Croquis de cloître, de poèmes, par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Dominique Ducamu. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Croquis de cloître. Sous un pesant repos d'après-midi vermeil, les stalles, en vieux chêne éteint, sont alignés. Et le jour traversant les fenêtres ignées étale au fond du cœur des nattes de soleil. Et les moines dans leur coule, toutes les mêmes, même plis sur leurs manches et même sur leurs frocs, même raideur et même attitude de roc, sont là, debout, muets, plantés sur deux rangs blêmes. Et l'on s'attend à voir ces immobilités brusquement se disjoindre, et les versets chantés rompre à tonnante voix ces silences qui pèsent. Mais rien ne bouge au long du sombre mur qui fuit, et les heures s'en vont par le couvent sans bruit. Et toujours, les grands moines se taisent. Fin de Croquis de cloître.